Bonjour les petits papous. Vous pouvez pas vous endormir avant que je vous ai raconté une histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La planète des contes. Premier épisode, le petit chaperon rouge sans carré blanc. Dans cette très ancienne version de l'histoire, c'est le petit chaperon rouge qui mange la grand-mère. Et vous savez qu'il ne faut jamais, jamais manger sa meumée. On aurait tort de trop prendre Perrault au sérieux. En fait, c'est lui qui, éditant ses contes à l'usage de la cour, ne prend pas assez au sérieux les innombrables versions, on vient d'en entendre une, plus anciennes qui l'ont précédé. Bruno Bettelheim allait même jusqu'à dire qu'il avait perverti les contes en les censurant. D'un vrai savoir transmis de bouche à oreille et qui nous interrogeait au plus intime, au plus secret, il n'avait souvent tiré que de simples textes d'avertissement. Or, un simple mode d'emploi, une information, ça n'a pas la même richesse que la littérature. Les contes, c'est un iceberg d'oralité d'où émerge une part visible, celle de la littérature de colportage, du livre illustré, du cinéma, mais en dessous, c'est le monde immergé des profondeurs. Nous voici sur le point d'y plonger, nous ne sommes plus sûrs de rien. Si, d'une chose, nous serons obligés de remonter à la surface avant d'être allés jusqu'au bout de l'exploration. Première étape aujourd'hui, le petit chaperon rouge, l'un des contes les plus célèbres, l'un des plus mal connus. Et notre guide, toute la semaine, Bernadette Bricout, bonjour. Bonjour, Jean Lebrun. Je vois vos titres. À Paris Diderot, université excellente, vous êtes professeur de littérature orale. Alors, professeur de littérature orale, c'est pour l'institution, mais moi, je me considère plutôt comme un maillon de cette chaîne, non pas tant dans la transmission du récit que dans l'analyse de ces récits, ce qui est une autre façon de les recréer. Alors, nous avons emprunté à votre livre « La clé des contes », qui est paru il y a peu aux éditions du Seuil, le titre de cette émission, « Le petit chaperon rouge sans carré blanc ». Vos étudiantes et vos étudiants ont des réactions semblables devant les contes ? Non, les garçons et les filles ont finalement des attentes assez différentes que d'ailleurs très souvent leurs études traduisent. Pour les garçons, le sentiment d'appartenance à la communauté est premier. Le conte est un vecteur d'intégration à la communauté. Et ils sont extrêmement sensibles au fait que c'est une parole qui cherche une communauté hospitalière, une communauté qui, autour du conteur, va créer du lien. Alors que le parcours des filles est un parcours individuel, une exploration solitaire, une plongée dans les profondeurs du type de celle que vous évoquiez à l'instant. Je ne sais pas si les étudiants les plus jeunes et les étudiantes les plus jeunes vont pouvoir nous accompagner tout au long de cette route. Nous sommes avec le petit chaperon rouge. Nous allons avancer étape par étape. Il va y avoir des choses bien surprenantes qui vont advenir et qu'on ne trouve pas dans la version à laquelle chacun de nos auditeurs pense, celle de Charles Perrault. Un mot juste de Charles Perrault, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui dissimule la forêt, j'entends bien. Certes, un académicien éminent, grand latiniste, qui donc va écrire pour un public qui est un public cultivé, un public savant. Mais ces contes, qui vont bénéficier d'une diffusion énorme, notamment par le colportage et par l'imagerie d'Épinal ensuite, vont être peu à peu considérés comme des contes destinés aux enfants, parce que, assez curieusement, on va associer dans le même mépris, j'irai jusque-là, le peuple ignorant à cause de sa condition et l'enfant ignorant à cause de son âge. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Perrault, les dictionnaires du XVIIe siècle attestent, le conte de ma mère Loire, c'est une fable tout juste bonne à amuser les enfants et les vieilles gens, des contes ridicules, des contes à dormir debout, dirait-on. Et il raconte toutes ces histoires avec un zeste d'ironie, parce qu'il faut qu'il continue d'être bien vu à la cour du rouet. Je dis le rouet parce que on va commencer en entendant la version de Perrault, mais dite par Eugène Green, qui essaye de retrouver l'accentuation qui était celle pratiquée, paraît-il, à la cour du rouet. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère Grant, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère Grant, qui demeurait dans un autre village. C'était une femme qui avait fait du pain. Elle dit à sa fille, « Tu vas porter une époigne toute chaude et une bouteille de lait à ta grand. » Voilà la petite fille partie. Alors, on a peut-être entendu le changement d'accentuation. C'est Fred Persson qui, ensuite, dit une version nivernaise. Ne pas confondre l'accent du rouet à Versailles et l'accent nivernais. Tout au long de cette émission, on va procéder comme ça, par la confrontation des versions. Ce qui est passionnant, quand on entend cela, c'est que on mesure à quel point le conte est une chambre d'écho. Une chambre d'écho pour les mémoires, une chambre d'écho pour les cultures. En fait, ces voix sont en dialogue et quand elles sont mises en résonance, eh bien, on commence à appréhender un peu plus clairement peut-être ce qu'est l'histoire de notre chaperon rouge. Oui, mais dans la version de Perrault, il est question du chaperon rouge. Est-ce qu'il est question du chaperon rouge dans toutes les autres versions ? Non, et c'est d'ailleurs, c'est déjà en soi une énigme qui justifierait une enquête de plusieurs années. Dans les versions orales, très souvent, la petite fille est habillée d'un habit de fer, ou bien elle porte des sabots de fer. Alors, de cet habit de fer, rien n'est dit. On a le sentiment que ça pourrait être une cuirasse ou une armure. En revanche, le conte dit très explicitement qu'elle ira, qu'elle pourra partir chez sa grand-mère, car c'est elle qui demande à partir, lorsque l'habit de fer sera usé, ou lorsque les sabots de fer seront usés. Et l'enfant se lève pendant que sa mère dort pour frotter l'habit de fer contre le mur jusqu'à ce qu'il se déchire, ou bien elle frappe les sabots de fer sur les cailloux du chemin jusqu'à ce qu'ils se brisent, et ainsi la mère est prise au mot et elle doit la laisser partir. Alors le petit chaperon rouge a envie de goûter à la liberté. C'est une jeune fille qui arrive peut-être à l'âge de la puberté, et cette liberté, elle va quand même l'exercer en remontant aux origines, en allant visiter la grand-mère. C'est un voyage dans le temps, en même temps que dans l'espace. Oui, vous avez raison. C'est un voyage dans le temps, puisque elle part de la maison où elle est née pour aller vers la maison où sa mère est née. Et le conte nous dit très clairement qu'il est au-delà d'une forêt, qu'il est très loin. Il va falloir accomplir un long chemin, peut-être un voyage périlleux pour aller jusque-là. Et on sait bien qu'au-delà de la maison de la grand-mère, il y aurait d'autres maisons gigognes, et ainsi de suite, jusqu'à notre mère Ève. C'est la transmission de la vie. C'est presque, une remontée dans le temps, une remontée vers les origines. Et en même temps, c'est un voyage dans l'espace, puisqu'elle va d'une maison à l'autre, et que ces maisons sont assez fortement caractérisées dans le conte. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans tout ça, c'est une affaire de femmes, vos étudiantes l'auront noté. On parvient, Bernadette Bricout, maintenant à la deuxième étape. Le petit chaperon rouge arrive à un carrefour, celui des choix. Alors toujours le même principe, la version Perrault, la version nivernaise, enfin pour brouiller un petit peu les pistes à ce moment d'hésitation dans la forêt, on a ajouté une version italienne. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Il lui demanda où elle allait. « Je vais voir ma mère Grant et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » « Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin ici, et toi par ce chemin-là. » « Quand tu te promènes toute seule, prends garde à toi, petite fille. Tu peux rencontrer l'ogresse, prends garde à toi, petite fille. Chaque fois qu'elle voit une gamine, elle se lèche les babines, elle n'a plus qu'une seule idée. La faire glisser dans son gosier. » Sur le chemin de la petite fille, derrière un arbre, se cache l'ogresse. Cette ogresse a du poil. Du poil aux mains, du poil aux pieds, du poids dans les narines, du poids sur la poitrine, et même du poids derrière, qui lui fait une grande queue comme un loup. Oui, mais ce n'est pas du tout un loup, c'est une ogresse italienne. À la croisée de deux chemins, elle rencontra le bzou qui lui dit « Quel chemin prends-tu ? Celui des aiguilles ou celui des épingles ?»« Celui des aiguilles, » dit la petite fille. « Eh bien moi, je prends celui des épingles. » C'est un vrai chevaux, heureusement que vous êtes là, Bernadette Bricou, pour le démêler. Le moulin, procédons par ordre si on peut, chez Perrault, il apparaît, pas ailleurs. Il apparaît chez Perrault et il est très présent dans les dessins d'enfants quand on demande aux enfants d'illustrer les moments du conte qui les ont le plus marqués. Le moulin est très présent parce que d'abord la grand-mère habite au-delà du moulin. La petite fille emporte une galette à sa grand-mère parce que ce jour-là, sa mère a cuit et fait des galettes. Elle a cuit et fait des galettes dans le four à pain, qui était traditionnellement, bien sûr, le four de la maison, le four domestique. Et on sait que ce four, bah, c'est le lieu de, traditionnellement, le lieu de la gestation, le lieu où le pain lève, mais aussi le lieu où l'enfant va lever comme une belle miche dorée. On pense au petit bonhomme en pain d'épices. D'ailleurs, il n'est pas rare que des femmes qui attendent désespérément un enfant fabriquent un enfant de pâte et le mettent au four en espérant que ainsi le faire naître. Et puis, donc, du lieu de la gestation, on va aller vers le moulin, qui est vraiment le lieu dans les écrits populaires de la sexualité la plus joyeuse et la plus débridée. Alors évidemment, on pense au mouvement de la trémie qui accompagne dans les contes de Canterbury des ébats qui sont souvent d'ailleurs des ébats illicites, parce que c'est pas évidemment dans le moulin que s'accomplit le devoir conjugal. On envoie son bonnet par-dessus les moulins. Une devinette nous dit « Savez-vous ce que l'on doit faire si l'on ne veut pas avoir d'enfant ?» Alors évidemment, nous ne sommes pas à l'ère de la pilule, et la réponse est très claire. Il faut faire comme le meunier. Il faut décharger ses sacs devant la porte du moulin. Et donc la petite fille, en allant de la maison de la mère à la maison de la grand-mère, s'en va du four au moulin, c'est-à-dire du lieu de la gestation vers le lieu de l'exubérance joyeuse, on l'espère, qui l'a précédée, autrement dit vers le lieu de la scène primitive, comme diraient les psychanalystes. Le loup peut avoir l'allure d'une ogresse dans la version Calvino qu'on vient d'entendre. Le loup, il est ambigu en ce sens qu'il va prendre dans bien des versions, enfin dans toutes les versions, les traits de la grand-mère, puisqu'il va s'habiller en grand-mère avant d'entrer dans le lit. Et il y a beaucoup de versions qui vont jouer sur une ambivalence redoutable, non pas seulement entre l'ogresse et le loup, mais entre la grand-mère et le loup. Est-ce que c'est le loup qui s'habille en grand-mère ? Est-ce que c'est la grand-mère qui est un loup, voire un tigre, comme dans certaines versions chinoises ? Il y a des versions qui s'appellent la grand-mère tigre, et je crois que l'ogresse, vous voyez, elle n'est pas très très loin de cette vieille femme. Il faut vous dire que la vieille femme qui habite de l'autre côté du village dans un lieu sauvage et qui va être comme le loup velu au point de se confondre avec elle, qui vit à l'écart de la société, ça peut être un personnage assez inquiétant, assez loin de l'image de Mamie Nova, si vous voulez. Le petit chaperon rouge est encore loin de rejoindre la grand-mère. Il faut qu'elle choisisse entre le chemin des épingles et le chemin des aiguilles. Alors les épingles, ça sert à fixer les toilettes, les aiguilles, ça sert à travailler. Oui, les épingles, ça sert à fixer les toilettes, donc on est du côté de la parure. Les aiguilles, ça sert à travailler. Mais il y a autre chose. L'épingle, c'est aussi l'attribut de la jeune fille, puisque c'est un instrument de défense amoureuse. L'épingle à chapeau, qui était un véritable petit poignard. Un instrument de divination amoureuse. Un instrument aussi pour la jeune mariée, parce que le jour du déshabillage de la mariée, on distribue les épingles aux filles du village et chacune d'entre elles acquiert ainsi la certitude, on l'espère réconfortante, qu'elle aussi va trouver un époux. Alice Berger, de l'autre côté de la vitre, c'est notre technicienne aujourd'hui, n'en revient pas de cet usage de l'épingle. L'épingle à chapeau. Oui, mais alors elle va être encore beaucoup plus surprise par l'aiguille, parce que l'aiguille, comme la femme mariée, elle a un chat, C-H-A-S, couturière mariée, aiguille et chassée. Qu'est-ce qui passe et repasse par un petit trou, Jean Lebrun ? C'est pas ce que vous pensez, c'est le fil. Donc il y a toutes sortes de devinettes à caractère sexuel qui nous tirent du côté de ces femmes qui, sans être mariées, c'est une métaphore qu'on utilise et qu'on retrouve chez des femmes qui ont une vie assez libre, ont su mettre le fil à l'aiguille. Nous sommes aujourd'hui avec le petit chaperon rouge sans carré blanc. Nouvelle étape, devant la porte de la maison. Chez nous, en Turquie, le loup, pour pouvoir entrer à la maison, elle essaie de trouver des moyens comment je peux rentrer chez la grand-mère. Alors donc, elle choisit de guetter comment le chaperon rouge rentre à la maison de la grand-mère. Il voit que le chaperon rouge, quand elle vient devant la porte, il commence à chanter une chanson. « Ouvre-moi la porte, grand-mère », et la grand-mère répond de l'intérieur, tire le loquet, rentre. Et le loup, lui aussi, donc, essaye de chanter. Mais sa voix, ça va pas du tout. Alors, il va voir une sorcière en disant « Mais comment je vais faire pour adoucir ma voix ?» Là aussi, on rentre dans une autre version. C'est une version Afrique du Nord où, pour faire adoucir la voix au loup, on fait mettre du miel dans la gorge et que les cordes vocales soient mangées par les fourmis. On entendait le témoignage au micro de France Culture d'Isil Kazaploglu. Oui, alors il y a une histoire de voix, c'est vrai, de part et d'autre de la porte. Et ce dialogue nous rappelle des rites qui sont des rites de mariage, de part et d'autre de la porte fermée. Au jour des noces, la jeune mariée se rend la première à l'intérieur de la maison, qui va désormais être la sienne. Elle s'y barricade et un peu plus tard, le cortège de noces arrive avec le nouvel époux. Le nouvel époux frappe à la porte et elle va dire, ou elle va chanter, « Qui frappe ainsi à la porte ? Réponds-moi !» « Oh, mon fidèle verrou !» Et lui, de l'autre côté de la porte, va dire « C'est ton fiancé qui t'apporte une bague en argent, une bague en or. » Elle dit « Mais j'en ai refusé de plus beau que toi, ça n'est pas toi que j'accepterai. » Et il devra donc se faire reconnaître. Dans certains rituels un peu sauvages, il va être amené à essayer d'enfoncer la porte à coups de pied. Et l'anthropologue de l'époque de noter « Nous espérons que cette entrée un peu sauvage dans la maison ne préfigure pas non plus la violence de ce qui s'accomplira lors de la nuit de noces. » Alors revenons, si vous le voulez bien, à des motifs et à des personnages très avouables, ceux de Tex Avery par exemple. Et voici maintenant notre nouvelle princesse du swing, notre routine incendiaire, j'ai nommé le petit chaperon rouge. I want a diamond ring, I want some Christmas and everything. Daddy, you better get the best for me. Hey, Daddy, you better get the best for me. Revelation with a bit of stimulation, I'd be a great sensation. Daddy, you gotta get the very best for me. Hey, poupée, qu'est-ce que t'en dis? Après le show, toi et moi, on va marcher. Vous, les loups, tous les mêmes, des enragés. Non, je suis vraiment désolée. Mais vous voyez, je vais chez ma grand-mère. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le petit chaperon rouge avec Bernadette Bricou, c'est le premier épisode d'une série de 5 consacrée à la planète des contes. Le loup séducteur, vous avez entendu? Vous y tenez beaucoup à ce thème. Ah, j'y tiens beaucoup. Et puis, ce qu'on voit très bien dans la superbe version de Tex Avery, c'est que vraiment le loup et la petite fille sont de mèche. Et les enfants, même les très jeunes enfants, quand on leur raconte le conte, le savent bien. Ils aiment que le loup et la petite fille soient couchés ensemble dans un lit. Ça ne précipitez pas, on n'a même pas ouvert vraiment la porte. donc vous ne diriez pas que Tex Avery, c'est un arbre qui dissimule la forêt comme Perrault ? Je ne dirais pas ça de Perrault non plus. Je ne dirais même pas ça de Disney. Je crois que ce n'est pas un arbre qui cache la forêt. C'est au contraire une version Bon, alors une version qui est privilégiée par la mémoire, par l'imaginaire collectif, par la transmission, mais qui participe de cette extraordinaire fortune des contes. Pour moi, c'est un visage du petit chaperon rouge parmi d'autres. Vous savez, la version de Perrault et la version des Grimm, même si elles ont été censurées, ont fait beaucoup pour la pérennité du conte. Donc non, c'est peut-être un gros arbre, c'est peut-être un très gros chêne, et dans votre forêt, il y a des arbres plus petits, plus minces, plus fragiles, mais... Vous ne percevez pas que ces formes modernes peuvent écraser les anciennes. Je crois pas. Je crois qu'elles leur font écho. Je crois qu'elles les complètent. Je crois qu'elles s'éclairent l'une par l'autre. Attendez, le conte ne s'écrit pas simplement à l'imparfait. Alors le conte s'écrit au futur. Vous avez déjà pris de l'avance. Nous sommes enfin dans la maison de la grand-mère. Comment est-elle d'ailleurs cette maison ? Elle n'est jamais décrite. Elle n'est jamais décrite, mais ce qu'on sait, c'est que le loup, après y être entré, et vous avez souligné l'importance de la porte et du passage du seuil, mais ça sera surtout vrai pour la petite fille, le loup, après y être entré, s'est jeté sur la grand-mère. Il l'a mangé en moins de rien, parce qu'il y avait, disent certaines versions populaires, plus de 8 jours qu'il n'avait pas mangé et qu'il avait envie de faire polquer ses gencives. Mais la grand-mère, c'est hors d'œuvre. Il y a une version en argot qui dit qu'il va la manger comme à co nature sans vinaigrette. Parce que se faire polquer les gencives, c'est de l'argot aussi. Eh oui, bien sûr. Oui. Non, j'avais du mal à vous suivre. Vous aviez du mal à me suivre. Oui, je crois que je me suis trompée de niveau de langue en venant vous voir. Oui, c'est ça. Bon, alors voilà. Donc, pour ce qui concerne le repas du loup, la grand-mère, c'est vraiment un hors-d'œuvre. En revanche, ce qu'il va faire avec beaucoup de soin, c'est... Non pas le dépeçage, c'est pas un dépeçage, mais en tout cas la réserve rituelle de chair et de sang qu'il va placer sur l'arche, dans le buffet, dans une bouteille. Vous êtes sûr, parce que on va entendre toujours par Eugène Green la version Perrault. Ouais. Il est vrai qu'elle sera emmêlée avec une version nivernaise et une autre. Mais dans la première, la version Perrault, il n'y a pas tout ça. Le loup, la voyant entrer, lui dit, en se cachant dans le lit sous la couverture, « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit. « Bonjour, ma grand. Je vous apporte une époigne toute chaude et une bouteille de lait. « Mets-les dans l'arche, mon enfant. Prends de la viande qui est dedans et une bouteille de vin qui est sur la bassie. » Suivant qu'elle mangeait, il y avait une petite chatte qui disait « Pue, salope, qui mange la chair, qui boit le sang de sa grand. »« T'as bu du sang de ta mémé, ma menioune, t'as bu du sang de ta mémé. T'as bu du sang de ta mémé, ma menioune, t'as bu du sang de ta mémé. » »« Déshabille-toi, mon enfant, » dit le bzou. Et viens te coucher vers moi. Où faut-il mettre mon tablier ? Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. Et pour tous les habits, le corset, la robe, le cotillon, les chausses, le loup répondait. Jette-les au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. Carré blanc, il y a bien en effet le corps dépecé, exposé de la grand-mère, les intestins ici, le foie ailleurs. Oui, oui. Parfois les intestins à la porte. Il y a une version italienne où l'intestin de la grand-mère sert de cordon de sonnette. Et quand la petite fille arrive, elle va tirer sur l'intestin de la grand-mère en disant « Oh, petite grand-mère, que cette chose-là est molle !» Et le loup du fond de son lit répond « Tire seulement et tais-toi, ce sont les intestins de ta grand-mère. »« Que dis-tu donc ?» dit la petite fille. « Tire seulement et tais-toi. » Donc, oui, vous avez raison, il y a des parties du corps de la grand-mère. D'ailleurs, très souvent, les seins, les viscères, enfin les mamelles, les tétins. Il y a un oiseau qui dit « Titin, titin, titin, tu manges les tétins de ta grand. » Donc, les organes qui participent de la mise au monde et de la reproduction. Et évidemment, ce repas préparé que la petite fille savoure, car même quand il y a un animal, comme on vient de l'entendre, et c'est fréquemment le cas, qui dénonce ce qu'elle est en train de faire, ça ne lui coupe pas l'appétit, elle mange. Elle mange les seins de la grand-mère, les mamelles de la grand-mère, parfois les dents de la grand-mère, parfois même les mâchoires de la grand-mère. Et ce faisant, elle s'approprie des facultés vitales qui sont liées à ses organes génésiques. On sait bien dans les récits d'aventure que manger le cœur et le foie de son adversaire, c'est s'approprier sa force. Et vous voyez, il y a un principe de vase communicant. Quand la petite fille mange le corps de sa grand-mère, Quelquefois, elle le cuisine et c'est un apanage de la femme mariée. Les corbeaux vont lui dire « Fricon, fricasse, la chair de ta marasse ». Donc elle commence par faire une fricassée de grand-mère ou un boudin de grand-mère. Eh bien, quand une fois qu'elle a cuisiné et mangé le corps de sa grand-mère, elle est presque prête à entrer dans le lit du loup. Il reste encore un acte ultime qui est le déshabillage. Bah, passons au déshabillage, si vous voulez bien. Oui, ça oui sera mais je vais quand même dire qu'à ce moment-là, blanc, oui, la grand-mère sort de scène. C'est-à-dire que c'est vraiment une génération chasse l'autre. La grand-mère sort de scène quand la petite fille devient femme. Oui. Voilà. Alors le striptease maintenant. Mais le striptease, il est tout à fait intéressant parce que c'est un effeuillage, quoi. C'est vraiment un effeuillage du petit chaperon rouge, en tout cas dans la version nivernaise qu'on vient d'entendre. Et lorsque le loup lui dit « Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en auras plus besoin de ce tablier », eh bien la petite fille se déshabille et elle n'est pas surprise. Lorsqu'elle est nue, elle va rentrer dans le lit et là, comme le dit admirablement Perrault, la petite fille se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut très étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Oui, ça se passe finalement pas si mal au début entre le loup et la petite fille. Ça se passe pas mal du tout. D'abord dans les versions orales, ben, très souvent il va être fait allusion au corps velu du loup, à ses griffes, à son poil. Il y aura dans une seule version orale à ma connaissance une question sur la queue. Oh, mère grand, que vous avez une grande queue. Et là, le loup répond, c'est pour mieux chasser les mouches, mon enfant. Vous voyez, la queue plumeau. En général, on évite la queue, mais il y a des questions sur le corps du loup qui sont vraiment des questions sur le corps animal et sur le corps viril, sur le corps qui fait peur. Et après avoir fait cette découverte, mais qui est une découverte ambivalente, parce que quand on dit « Oh, mère grand, que vous avez de grands bras », est-ce que c'est un haut de crainte ou est-ce que c'est un haut d'émerveillement, Jean Lebrun ? En tout cas, moi, je vais passer à un épisode suivant qu'on trouve dans certaines versions. Le petit chaperon rouge demande au loup « Est-ce que je peux chier maintenant ?» Enfin, elle dit pas « Est-ce que je peux chier ?» Elle dit, version nivernaise, « Oh, mère grand, je veux aller dehors. Fais au lit, mon enfant, dit le loup. » Alors, elle demande à aller dehors pour faire, les paysans sont très polis, ce que le roi lui-même ne peut pas faire faire par un autre, ce que le roué lui-même ne peut pas faire faire par un autre. Et « Non, non, non, non, mère grand, je veux aller dehors. Bon, dit le loup, mais pas pour longtemps. » Et elle va sortir de la maison, donc elle-même, il va lui attacher un fil de laine à la jambe, j'allais dire à la patte, non, à la jambe, et elle le dénouera quand elle sera dehors. Autrement dit, elle trouve en elle-même l'instrument de sa propre sauvegarde. Elle rentre à la maison, c'est véritablement une héroïne de conte qui n'a même pas besoin du chasseur super-père des frères Grimm pour se tirer d'affaire elle-même. Alors les parents ont compris qu'il faut déconseiller l'écoute de cette série aux enfants, à moins que les enfants, au plus intime d'eux-mêmes, l'en sachent beaucoup plus qu'ils ne veulent le dire aux parents. Écoutez, j'ai le souvenir d'avoir évoqué dans une conférence très savante à l'Alliance française en Sicile ces versions du petit chaperon rouge. Dès le lendemain, la fille du consul rentrait dans la chambre des parents en disant « Papa, maman, vous savez quoi ? Le petit chaperon rouge a mangé sa mère grand. » Le consul lui a répondu que non. Elle n'avait rien compris et quand, lors du déjeuner officiel qui suivit, je lui ai raconté la véritable histoire du petit chaperon rouge, le père était très choqué, la petite fille complètement émoustillée, ça lui allait très bien, elle avait tout compris. Alice Berger, la technique, étonnée, Martin Cellier pour la préparation, Jacques Sigal, notre réalisateur, ravi de vous écouter. Même tonneau demain, Cendrillon. Oh.